vie est trop lourde à porter. Quand je n'ai plus la force de lutter, je sombre et plus personne à mes côtés. Je me tourne vers toi si je perds ma foi. À nouveau, tu me la donnes. Tu me prends dans tes bras. Je touche le ciel quand tu me pardonnes. Même pour tout l'or du monde, je ne te changerai jamais. Pendant des années, je t'ai vu surmonter tellement d'épreuves pour moi. Tu as triomphé. Crois-moi, je suis heureuse et fière de t'avoir pour mère. Et si je pouvais donner un autre nom, fleurs. Et si je perds ma foi, à nouveau tu me la donnes. Tu me prends dans tes bras. Je touche le ciel quand tu me pardonnes. Même pour tout l'or du monde, je ne te changerai jamais. Pendant des années, je t'ai vu surmonter. Je suis heureuse et fière de t'avoir pour mère. Et si je pouvais donner un autre nom à l'amour et au courage, je choisirais ton nom, maman. Et le temps passe, les années s'envolent et n'ont aucun effet sur ton cœur. Tu ne changes pas et toujours tes bras sont là. Je ne te changerai jamais. Pendant des années, je t'ai.